Le grain de sable d'Attaque Québec. Aujourd'hui au Grain de sable, lutte des classes et économie sociale. Bonjour, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à nouveau ce soir à l'émission Le Grain de sable du groupe Attaque Capitale Nationale. Alors cette émission est préparée par Cédric Leterme et qui aujourd'hui assure à nouveau la mise en onde. Alors, à notre grand plaisir. Au programme aujourd'hui, Robert Jasmin sera avec nous pour évoquer différents événements en cours aux États-Unis. Alors, qui va également témoigner de l'intensité de la lutte des classes qui est en train d'être livrée là-bas. Et oui. Et en deuxième partie d'émission, c'est Nicole Moreau qui nous rejoindra pour discuter d'économie sociale. Alors, avant d'attaquer tout ça, on écoute une pièce musicale. Restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite après sur les ondes de CKRL, la radio qui cultive tes goûts. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing. Alors, vous êtes toujours à l'écoute du Grain de sable d'Attaque Québec. Cette semaine, on commence l'émission avec Robert Jasmin, co-président d'Attaque Québec, qui est avec nous pour sa chronique mensuelle. Bonsoir, Robert. Bonsoir. Alors, ce soir, nous allons faire le point sur la situation sociale, économique et politique aux États-Unis. Alors, depuis combien de temps, en tout cas, c'est depuis quelque temps, on parle de reprise économique aux États-Unis. Est-ce que c'est vraiment le cas? Ben, la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que si l'on s'en réfère aux commentateurs du genre qu'on entend sur les ondes des grands médias ou des journaux des grands propriétaires de l'information, ben on vous dira oui, il y a une reprise économique. Oh, c'est la joie. Globalement, si on évite la réalité telle que vécue par la population, si on se contente de voir la réalité à travers le prisme déformant de la bourse, si on consulte que le PIB, les chiffres semblent dire que tout va mieux et que la récession est passée. Mais la réponse à ta question est tout à fait différente si on voit la réalité de la vie de tous les jours. Celle que subit, ou en fait, celle qui est subie par la classe moyenne, et évidemment par les plus pauvres, parce qu'à chaque fois qu'on dit que ça va mal pour la classe moyenne, on peut imaginer que ça va encore pire pour les plus pauvres. Alors, les chiffres ne mentent pas. Les seuls dont le sort s'est amélioré et de façon indécente, ce sont les super-riches. Non. On peut même dire que jamais les inégalités n'ont été aussi grandes que maintenant. Le sauvetage des banquiers, des spéculateurs et des grandes entreprises manufacturières avec l'argent public, on peut dire que ça les a magnifiquement servis. C'est-à-dire que les multimillionnaires sont devenus des milliardaires et ceux-ci sont devenus des multimilliardaires. Alors, c'est aux États-Unis qu'on retrouve plus d'un tiers de tous les milliardaires du monde, soit 413. Un tiers, quand même. Rappelons, en fait, là, on n'est tellement pas habitué, nous, le monde ordinaire, de jongler avec ces chiffres-là. Il faut des fois se rappeler des choses élémentaires comme quelqu'un qui possède un milliard, puis ces gens-là, souvent, en ont plusieurs milliards. Hein? C'est Warren Buffett en a 43. Bill Gates en a 38, je crois. Mais il faut toujours rappeler que posséder un milliard, c'est 1 000 millions. Tu sais, des fois, la loto, là, c'est 22, 23 millions, mais là, c'est 1 000 millions pour faire un milliard. Alors, une très, très grande partie d'entre eux ont fait fortune grâce à des activités spéculatives. Alors, ce sont des prédateurs de l'économie réelle, des exploiteurs de l'immobilier et de la bourse. Alors, si tu veux rappeler un peu activité spéculative pour les auditeurs. Ben, le spéculateur, c'est la personne qui va jouer avec l'économie comme on joue au casino. Par exemple, il y a même des spéculateurs qui sont de véritables charognards actuellement et qui vont spéculer à partir des malheurs du Japon. Oh! Alors, sur certains biens qui sont moins produits, alors on va spéculer là-dessus, on va gager que les prix vont coûter plus cher, donc on va investir, mais là le mot je le mets entre guillemets, on va placer son argent, on va jouer notre argent. Quand on est milliardaire, hein, est-ce qu'on se préoccupe que notre argent soit investi pour créer des emplois? Pas du tout. Ces gens-là sont des spéculateurs. Point. Alors, merci pour ce rappel. Et tu laissais entendre qu'il y a des inégalités qui sont encore plus grandes maintenant qu'avant la crise. Oui, alors c'est ça qui est surprenant. Alors, on pense toujours qu'une crise va rappeler les gens à l'ordre, mais pas du tout. Toute cette concentration de richesses aux mains d'une toute petite classe dominante parasitaire fait en sorte qu'on retrouve dans ce pays-là les pires inégalités du monde développé. Oh, ouais. Alors, voici juste quelques chiffres qui parlent par eux-mêmes. En 1976, aux États-Unis, le 1% le plus riche possédait 20% de toute la richesse. C'est il n'y a pas longtemps, ça, en 1976. En 2007, ce même 1% possède 35% de toute la richesse. 1%. Disons-le autrement. 5% des Américains possèdent 72% de toute la richesse des États-Unis. 5%. Les 413 personnes milliardaires dont on parlait tantôt possèdent à elles seules plus... Alors, 413 personnes. Mm-hmm. Hein, c'est facile c'est pas d'imaginer. Beaucoup, là. Non, non, non. On peut imaginer ça dans une petite salle de conférence, 413 personnes, là. Alors, ils possèdent plus, ensemble, cette clique, que 150 millions d'Américains, soit 50 % de la totalité de la population. Ah, c'est quand même... 413 personnes, oui. D'un côté, qui possèdent autant que 150 millions. Incroyable. Aujourd'hui, 80 % de la population américaine ne possède que 15 % de la richesse. C'est des chiffres parlent, en effet. Puis la droite nous répète que cette richesse, donc même concentrée dans les poches de quelques-uns, ben ça sert à créer des emplois, Robert, là. Puis en fin de compte, tout le monde y gagne. Oui, c'est ce que nous répètent, entre autres, là, les gens du groupe Liberté Québec. Là. Ah! Bon. Qui ne sont que des haut-parleurs de ceux qui possèdent vraiment. Et c'est l'instrument, c'est des petites marionnettes. Là-dedans, il y a des conscients, il y a surtout des inconscients. La réalité, c'est la suivante. Pendant que ces super riches s'enrichissaient, le taux de chômage était toujours à la hausse. Alors, si on suit leur logique, en principe, si ces gens-là s'enrichissent, le taux de chômage devrait en bénéficier. Mm-hmm. Hein? On dit qu'il crée des emplois. Ben oui, mais c'est non. Sûr. Pendant qu'il s'enrichissait, le taux de chômage montait. Et maintenant, au mieux, ce taux de chômage plafonne à plus de 9 %. Ce qui, pour les États-Unis, constitue plus du double de la normale. En fait, en plus de ça, on assiste à une excroissance importante du sous-emploi et des emplois précaires. Parce que même les emplois qu'on crée aujourd'hui sont des sous-emplois. Le secteur économique que certains qualifient de dynamique et qui est composé de capitalistes parasites, des experts en spéculation, ne crée pas d'emplois, paye très peu de taxes, n'exporte pas de produits et comble d'indécence. Ce fameux secteur qu'on dit dynamique met tout en œuvre pour que le pouvoir politique impose des coupures dans les mesures sociales qui, elles, sont destinées aux vrais travailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont productifs. Alors, Robert, sur ces révélations et affirmations troublantes, on va digérer le tout et on se laisse le temps d'une pièce musicale. Tu peux voter, pétitionner, débattre à la télé ou gamberger sans te bouger, mais... C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. C'est dans la rue que ça se passe. Quand il se passe quelque chose, un bulletin dans une boîte, ça change pas grand-chose. Quand revient De retour avec Robert Jasmin. Robert, nous étions au pouvoir politique exercé par la petite classe des super riches. C'est bien ça? Oui. J'aime ça entendre ça. Oui, je peux le répéter. Petite classe. Non, mais c'est une petite classe. Hein, parce que 413. Il ne faut pas penser là, que s'il y a une lutte des classes, d'un côté, il y en a 50%, puis de l'autre côté, 50%. Là, non, c'est pas ça. Pas du tout. Mm-hmm. En fait, on était au pouvoir politique. Dans les faits, on assiste à une véritable déclaration de guerre contre la classe moyenne, qui est tant sur le plan économique que sur le plan social. Il est fréquent dans les écrits, et ça me surprend beaucoup, dans les écrits qui nous arrivent des États-Unis de ce temps-ci, de rencontrer de plus en plus l'expression « class war ». Autrement dit, la lutte des classes. Ah oui. Puis dire qu'il y a lutte des classes, c'est pas une déclaration d'ordre idéologique, hein? C'est la description d'un fait. Et j'ai été frappé dernièrement, et on va voir pourquoi et à quelle occasion Michael Moore a pris la parole devant une foule. Il a commencé en disant « We are at war ». Ah oui. Nous sommes en guerre. Et là, il parlait pas de la guerre que les États-Unis mènent à l'extérieur. Non, pas du tout. À l'interne. Oui. Alors, voici un petit peu, en quelques mots, la stratégie telle qu'elle est mise en œuvre par l'oligarchie qui contrôle les États-Unis. D'abord, faire passer au niveau national des baisses d'impôts et de taxes qui vont toujours favoriser essentiellement les plus riches et les grandes corporations. Deuxième étape, utiliser cette baisse des revenus de l'État, parce que c'est sûr que si on baisse les impôts, on baisse les revenus de l'État, pour déclarer ensuite, ça va de soi, que celui-ci est en crise financière. Mm-hmm. Puis commencer à faire des coupures massives dans les budgets des États et du fédéral. Tout ça, évidemment, dans le but de favoriser le privé. J'ai en mémoire ce matin un message qui m'est venu des États-Unis et on voit que hier, dans un discours, une des sénatrices nouvellement élue, et qui, Michelle Bachmann, d'extrême droite, mais dont le pouvoir est ascendant aux États-Unis, s'en est pris même au système public d'éducation. Pas dans le sens de dire qu'il est moins bon, etc., comme on entend souvent ici, là, non. De dire que ça ne devrait pas exister. Tout simplement. Alors, quand ils baissent les impôts, quand ils réduisent le pouvoir de l'État et qu'ils ne conservent que l'État guerrier ou l'État policier, ben c'est à ça que ça aboutit. Mais troisième étape, c'est que, évidemment, on ne peut pas faire des coupures sans qu'un jour ça fasse mal. Alors, pour éviter une réplique de la classe moyenne qui est attaquée, ou des travailleurs en général, ben on leur enlève le droit de négocier collectivement. C'est-à-dire qu'on isole encore plus les individus. Oui, c'est une belle stratégie, hein, ça? Mm. Est-ce que c'est une stratégie qui est appliquée dans les faits actuellement? Là, c'est vraiment pas théorique ce que je viens de décrire. Non. Mm-hmm. Non seulement c'est appliqué, mais d'une façon très brutale. Et là, c'est les derniers mois, là. Hein? C'est l'artillerie lourde est sortie, là. Rappelons juste ceci, qu'au mois de décembre, le président Obama n'a pas pu réussir en fin d'année à annuler les baisses d'impôts que Bush avait accordées aux 1% les plus riches. C'est des milliards, ça. Mm-hmm. La victoire de ces républicains de novembre dernier, ne faisait que commencer à produire ces fruits amers. Depuis le début de l'année, l'attaque de la classe moyenne continue de plus belle. On veut réduire le déficit sur le dos des plus faibles de la société. C'est drôle, ça me dit quelque chose. Moi aussi. C'est drôle, comme c'est comme partout. Hein? Oui, ça ressemble beaucoup. Alors, de ceux, en fait, sur le dos de ceux qui ne peuvent pas échapper à l'impôt, comme les plus riches le font au moyen des paradis fiscaux, entre autres. Mais c'est un peu contradictoire. Il y a des baisses d'impôts pour les riches et ensuite ils disent que les coffres de l'État sont à sec. Ben, c'est ça. Mais leur but, c'est justement d'amoindrir l'État. Mais ces gens-là ne sont pas à une contradiction près. Regardez-les dépenser, toujours sans compter, pour les guerres à coûts de centaines de milliards par année. Avez-vous déjà entendu parler ces gens-là dire, même ici au Canada, on regarde avec les fameux avions, là. Oui, oui. On regarde pas le prix. Non, non, non. On dit juste qu'il faut des avions. C'est comme si c'est justifié, là. Ben, c'est justifié d'avance. Mais imaginons qu'on dirait la même chose de l'éducation. Il ne faut pas regarder la dépense parce que l'éducation, c'est de l'éducation. Hein? Mm-hmm. T'es sûr mais non, que ça fait jamais la différence. On entend ça dans la bouche de ces gens-là. Non. La guerre, oui, yes sir, comme disait le Rock Carrier. Il faut dire que, entre autres, que ces dépenses militaires, ça profite largement aux grandes corporations. Ah oui, dans quel sens? Les mêmes, ben, c'est les armements. S'il y a des guerres, ça demande de l'armement. Pour avoir de l'armement, il faut les produire. Puis ils vont s'enrichir. Et les grandes corporations qui sont les mêmes qui ont porté au pouvoir ces gens-là. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut insister sur le caractère calculé et téléguidé de cette offensive. Puis je voudrais juste ici, en passant, là, je m'en voudrais de l'oublier, mais juste souligner la contribution très, très éclairante de Pierre Dubuc dans le dernier numéro en ligne de l'autre journal. Ça vaut la peine d'aller sur Internet pour lire ce texte-là. Le texte, je crois, le titre, c'est « Les élections, ça sert à quelque chose ». Ça veut dire, ben, regardez les gens qui sont pas souciés de lire ou de voter en novembre dernier, regardez avec quoi on aboutit. Et c'est peut-être une leçon pour nous, là, il y a des élections. Ben là. Oui, ça s'en vient au mois de mai, là. Bon. Mm-hmm. Ben, de dire s'ils sont tous pareils, je m'excuse, mais des fois, il faut aller vers le moindre mal. Oui, tout à fait. Voilà. On nous étions en train de parler de l'offensive qui se généralise contre la classe moyenne et les plus pauvres. Alors, ce n'est pas seulement à l'échelle du pays. Non, non, c'est pas seulement qu'au fédéral. On parle toujours des États-Unis. Des États-Unis, oui, c'est ça. Non, le modèle de la régression sociale se répète à tous les niveaux. En fait, là où des républicains ont été élus, puis particulièrement dans les États où ils ont élu un gouverneur républicain. Ah ouais. Juste quelques échantillons rapidement. Oui, on aime ça. Il y aurait presque une émission à faire sur chaque État. Là. C'est épouvantable ce qui se passe. Ah, j'en doute pas. Au Wisconsin, c'est le plus connu des exemples. Mm-hmm. Le gouverneur Scott Walker, qui a été mis au pouvoir par les frères Koch. Les frères Koch, c'est la troisième fortune des États-Unis. Ben là, il leur a renvoyé l'ascenseur. Aussitôt qu'il était arrivé au pouvoir, il a accordé une baisse d'impôts de 100 millions aux plus riches. Puis, en tentant de justifier les coupures dans l'éducation et la santé, il invoque la crise financière de l'État. Mais le pire, c'est qu'il utilise le véhicule du budget pour enlever aux employés de l'État, aux enseignants et aux infirmières, le droit de négocier une convention collective. En plus, il impose, par la loi, un vote annuel aux syndiqués pour vérifier leur appartenance. On aimerait ça que des fois qu'il y ait autant d'interventions au niveau des affaires. Hein. Et en plus, il retire le droit de prélever des cotisations syndicales sur les salaires. Mais il y a une riposte. Jamais dans l'histoire de l'après-guerre a-t-on vu autant de personnes descendre dans la rue, et ce pendant des semaines, pour contester ces lois un peu scélérates. Et c'est pas terminé. Je souligne en passant, pour les gens qui pourraient pouvoir y aller, là, il y a un des dirigeants syndicales du Wisconsin, Stéphanie Bloomingdale, qui sera au Québec à Montréal mercredi prochain pour rencontrer le public lors d'une grande assemblée de solidarité au Centre social des Cols Bleus de Montréal. OK. Mais là, ce n'est pas au Wisconsin? C'est pas que là. Ah, d'accord. Loin de là. La même stratégie est mise en œuvre en Ohio. Je vous défile ça, là, rapidement, mais vous allez voir à quel point. Là, les républicains ajoutent des petites mesures supplémentaires. En plus de sabrer dans les dépenses en éducation, en santé, dans la sécurité, ils veulent privatiser les prisons pour en faire des centres de détention à profit. Et le comble, faire travailler les prisonniers sans salaire, toujours au profit des corporations chanceuses, ce qui veut dire moins d'emplois et, en quelque sorte, le rétablissement de l'esclavage. Parce que travailler quelqu'un sans salaire, ça s'appelle de l'esclavage. Il faut le rappeler. Au Michigan, là, c'est le comble. On a coupé les impôts des riches de 86%. Incroyable. Et on a augmenté ceux de la classe moyenne du tiers. Et c'est comme ça en Pennsylvanie, en Indiana, au Tennessee, au New Jersey, en fait, partout où les grandes corporations ont pu mettre leurs marionnettes au pouvoir. Ce qui a fait dire à certains que les plutocrates américains et leurs marionnettes ont vraiment déclaré la guerre aux rêves américains. Aïe, aïe, c'est quand même incroyable. Alors, est-ce que, en conclusion? En conclusion, ben, je vous ai gardé un petit bonbon pour le dessert. Une nouvelle qui nous vient du Maine. Alors là, c'est plus proche de nous, hein? C'est là où beaucoup de gens vont en vacances. Le nouveau gouverneur républicain, un descendant de Québécois, Paul Lepage, vient d'ordonner hier matin la destruction d'une fresque extraordinairement belle faite par une artiste, une femme, qui commémore le centenaire, il y a quelques années, centenaire des luttes contre le travail des enfants aux États-Unis et l'exploitation des femmes, entre autres. Et cette fresque ornait la grande salle d'entrée du ministère du Travail de l'État du Maine et le gouverneur a ordonné la destruction de cette fresque. À quand l'autodafé des livres? Alors, sur ce, sera encore ces révélations incroyables et non moins troublantes. Alors, Robert, merci de nous avoir apporté cet éclairage. Et malheureusement, on va devoir rester là aujourd'hui. Alors, on poursuivra dans une prochaine chronique. C'est toujours un plaisir, bref. Oui, mais intense. Alors, on vous invite, en tout cas, à rester attentif à ce qui se passe au Wisconsin. Alors, on se retrouve tout de suite après un peu de publicité pour la suite de l'émission avec Nicole Moreau. Vous pourriez vivre vos rêves au max. Parce que ce vendredi, le gros lot du Loto Max est évalué à 43 millions de dollars. 43 millions. Loto Max. Chaque vendredi, les soirées du bleu ou noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle, branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de micro-brasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 418-529-3829. Le restaurant Le Poisson d'Avril est fier de présenter la première journée du 30e Radioton de CKRL. Depuis 1991, Le Poisson d'Avril fait le bonheur de sa clientèle avec sa bouillabaisse, ses moules à volonté, ses poissons frais et ses grillades de bœuf, agneau et gibier. Situé dans le Vieux-Port de Québec depuis 1996, Le Poisson d'Avril se veut le repère des amateurs de bonne chair et de bon temps. Le Poisson d'Avril, c'est aussi un service de traiteur professionnel et attentionné à la hauteur de la réputation du restaurant. Tout comme CKRL, Le Poisson d'Avril favorise la découverte dans un endroit chaleureux et vous souhaite bienvenue à bord et bienvenue chez vous. 418-692-1010. À ne pas manquer vendredi 1er avril dès 15h30, l'émission de lancement du 30e Radioton de CKRL avec les Breastfeeders. En soirée, Michel Dubois reçoit Paul Deslauriers et Don Taylor Watson et Olivier Bercelli nous présente Slaves on Dope et Devil Drowned. Ici Gilles Champagne, metteur en scène et directeur artistique du Théâtre du Trident. Je vous invite à célébrer la Journée mondiale du théâtre vendredi 25 mars dès 7h du matin. Sous le thème « Pour l'amour du théâtre », nous jouerons dans les autobus et sur les traversiers. Une nouveauté cette année, deux comédiens aborderont les automobilistes aux intersections Saint-Jean-Honoré-Mercier ainsi que Charest-Dorchester. Ils leur offriront une déclaration d'amour. Vous pourrez choisir le style, Shakespeare, Molière, Tremblay. Bonne journée mondiale du théâtre et continuez à le fréquenter chaque saison. CKRL passe en mode financement. Investis ton studio. Vous voulez devenir partenaire majeur de votre radio préférée de manière originale? Investis ton studio est la façon artistique de soutenir CKRL pour 891 $. Cela vous donne droit à une œuvre originale et artistique qui sera exposée en permanence dans notre studio principal dans le but de créer une murale mixant des paysages urbains de Limoilou et de Québec. Envoyez votre don avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner un certificat de 300 $ du restaurant Le Poisson d'Avril. Le tirage aura lieu le 1er avril à 17h. Du 21 mars au 3 avril, les artistes de Québec s'unissent afin d'appuyer CKRL et son 30e Radiothon. Une exposition collective est présentée à l'Ampli de Québec, 240 rue Saint-Joseph-Est, et seront mises en vente à l'encan du Radiothon de CKRL. Réalisée sous la direction d'Amélie Bédard de la Galerie Zara, l'exposition réunira une dizaine d'artistes de la capitale nationale. Les œuvres seront tout d'abord mises à l'encan silencieux sur place et les mises finales se feront par téléphone au 88 640 2575 durant le Radiothon. L'exposition est présentée à l'Ampli du 21 mars au 3 avril, du mercredi au vendredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 17h. Les photos des œuvres sont disponibles à ckrl.qc.ca dans la section Radiothon. Faites votre mise! Vous écoutez présentement Le Grain de Sable ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. C'est maintenant Nicole Moreau qui nous rejoint. Alors, bonsoir Nicole. Bonsoir. Alors, c'est votre deuxième participation à l'émission et vous êtes retraitée après avoir effectué de la recherche dans les domaines de l'éducation et du travail. Travail, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, de quel sujet voulez-vous nous parler aujourd'hui, Nicole? J'aimerais aborder un sujet qui semble prendre, si l'on peut dire, le contre-pied du développement mondialisé, soit l'économie sociale. J'évoquerai avec vous ce qu'est l'économie sociale, ses objectifs, ses liens avec l'appareil gouvernemental. Ce dernier élément n'est pas sans soulever certaines questions sur l'économie sociale et son fonctionnement. J'en parlerai aussi avec vous. L'économie sociale, donc, c'est un concept, donc, on entend parler, là, on entend pas mal parler, mais on sait pas, au juste, c'est quoi vraiment? Comment vous le définissez? Grosso modo, on peut dire que l'économie sociale comporte quelques caractéristiques, dont l'entreprise d'économie sociale a pour finalité de servir ses membres ou la collectivité plutôt que de simplement engendrer des profits et viser le rendement financier. Donc c'est pas les profits est toujours là à 100% ou c'est pas le but premier. Là. C'est pas le seul but. Il y a du rendement à y avoir, mais c'est d'abord servir ses membres et sa collectivité. Mm-hmm. L'entreprise d'économie sociale a une autonomie de gestion par rapport à l'État. Elle intègre dans ses statuts et ses façons de faire un processus de décision démocratique impliquant les usagers et les usagères. Elle défend la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition de ses surplus et revenus. Elle fonde ses activités sur le principe de la participation, de la prise en charge et de la responsabilité individuelle et collective. Alors, je comprends que dans le fond, quand je déduis que l'économie sociale, ça a une visée de développement local et un fonctionnement qui se veut démocratique. C'est effectivement ce que les promoteurs des projets d'économie sociale entendent réaliser dans le concret. Pour ce faire, ils veulent répondre à un besoin diagnostiqué au sein de la communauté. Un consensus y est dégagé à cet effet. Dans une telle perspective, je pense que on peut penser que l'économie sociale vise à ajouter de la qualité de vie au milieu dans lequel elle s'insère. J'aime ça, moi, qualité de vie dans le milieu dans lequel elle s'insère. J'aime vraiment ça. C'est un beau modèle. Alors, pourquoi parler de l'économie sociale? Parce que c'est un mode différent d'organiser le travail, mais aussi parce que déjà plus de 125 000 personnes au Québec travaillent dans de telles entreprises. Aussi parce que l'économie sociale se développe dans plusieurs secteurs d'activité, que l'on pense à l'agroalimentaire, au commerce de détail, à l'immobilier collectif, aux loisirs et tourisme, aux arts, à la culture, à la communication, à la petite enfance, enfin, il y en a plein d'autres. Le chantier de l'économie sociale en énumère près d'une vingtaine sur son site. Vous évoquez à l'instant là, le chantier de l'économie sociale, donc c'est quoi au juste? Qu'est-ce que c'est? C'est un des deux regroupements d'entreprises d'économie sociale qui existent au Québec. L'autre, c'est le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. On peut donc en déduire que l'économie sociale comprend, bon, ça comprend donc des organismes à but non lucratif, c'est bien ça, des coopératives, des mutuelles? Ça comprend à la fois des organismes à but non lucratif ou des OBNL. OBNL, oui. OBNL, organismes à but non lucratif, des coopératives et des mutuelles, effectivement. OK. Puis si on revient sur l'une des deux visées de l'économie sociale, on peut se demander comment s'organise celle associée au développement local? Alors, de façon générale, on peut dire que l'économie sociale se développe à partir des besoins identifiés dans les communautés par toutes sortes d'acteurs. Donc, on peut penser à des acteurs institutionnels comme des municipalités ou des centres locaux de développement. On peut penser aussi à des groupes communautaires, soit des groupes de jeunes, des groupes familles, des groupes de femmes, des aînés, etc. Des entreprises d'économie sociale aussi peuvent diagnostiquer des besoins dans un secteur d'activité connexe. OK. Puis, mais pour réaliser tout ça, là, donc déterminer les besoins et tout, ça prend souvent sûrement un appui concret là, pour favoriser le développement d'un projet. Est-ce que les milieux se sont dotés de pareils outils? Effectivement. Il existe des pôles d'économie sociale ou des comités régionaux d'économie sociale qui ont été mis en place dans la plupart des régions du Québec. Ils regroupent des représentants de secteurs où il existe des entreprises d'économie sociale, mais aussi ces fameux acteurs institutionnels avec qui les entreprises peuvent être amenées à transiger pour leur soutien financier ou dans le cadre de leurs activités. Ce serait quoi leur objectif là, d'avoir un tel recrutement ou sur le terrain là, concrètement? Ben, il existe plusieurs objectifs. On peut dire que les pôles entendent d'abord favoriser la consolidation, l'expérimentation et le développement de nouveaux créneaux et projets en économie sociale, mais également assurer la concertation des acteurs en économie sociale et conseiller la Conférence régionale des élus en matière d'économie sociale. Conférence régionale au nombre de 21. Oui, en tout cas, ça fait un beau portrait. Puis bon, c'est quoi les raisons d'avoir des liens avec les conférences régionales, des élus, ou bon, ce que vous appelez dans le fond le CRE, ou c'est comment vous l'appelez? Les CRE. Les CRE, comme l'acronyme pour les conférences régionales des élus. Alors, les CRE, je me reprends. C'est un regroupement de maires, de municipalités, et qui aussi a dans son fonctionnement des représentants de la société civile. La CRE, ou la Conférence régionale des élus, a une responsabilité au regard du développement de la région. C'est elle qui est responsable d'élaborer un plan de développement pour le territoire dont elle s'occupe et de le remettre au gouvernement du Québec. Ça, c'est complexe, hein, comme gestion et de processus. C'est beaucoup d'acteurs, mais par contre, c'est comme un endroit plus proche pour faire connaître les besoins. Alors, ce plan doit tenir compte de la participation des jeunes et des femmes à la vie démocratique de la région selon les principes d'égalité et de parité. Les entreprises d'économie sociale représentent des acteurs actifs et dynamiques dans les régions. Leur action est prise en considération dans ce cadre. De même qu'à travers le pôle d'économie sociale. C'est à travers ces canaux, que les entreprises peuvent faire connaître leurs besoins communs. C'est important, c'est intéressant, en tout cas, ce que vous dites. Puis, est-ce que c'est toutes les régions qui sont dotées d'un tel regroupement? Il y en a effectivement un par région. Toutefois, certains pôles peuvent avoir décidé de se donner une personnalité juridique et par conséquent, de s'incorporer, donc d'être autonome par rapport à la CRE, d'autres non. Dans notre région, là, la capitale nationale, le pôle d'économie sociale a fait un choix, celui d'être partie intégrante de la Conférence régionale des élus. Donc ça implique quoi? Ça implique que la Conférence régionale des élus a, le dernier mot pour les actions qui sont entreprises par le pôle. OK, puis les pôles, c'est sont constitués comment? Alors, le pôle de notre région, là, la capitale nationale, c'est 27 membres. La CRE a adopté certaines règles que le pôle lui avait proposées à cet égard-là, soit l'équilibre entre les OBNL, organismes à but non lucratif, les coopératives ou mutuelles et ou mutuelles, la parité entre les hommes et les femmes, la représentation sous-régionale. La région de la capitale comprend Portneuf et Charlevoix. Et les secteurs d'activité dans lesquels il est possible de retrouver des entreprises d'économie sociale. Puis, est-ce que les valeurs en fonction desquelles le plan de développement de la région est élaboré, c'est susceptible d'influencer sur les projets qui sont soutenus par la CRI? C'est ce qui est attendu, effectivement. Comme les projets d'entreprise d'économie sociale sont généralement porteurs de telles valeurs, on peut présumer qu'ils ont des chances d'être retenus au moment où sont faits les choix de projets de pouvant être soutenus financièrement. Mm-hmm, je vois. Et une fois que le plan de la CRI, la Conférence régionale des élus, ça s'est élaboré, qu'est-ce qui se passe? En fait, on reprend. L'économie sociale représente un élément du plan quinquennal de la CRI, donc c'est un plan de 5 ans. Ce plan peut être présenté à la conférence administrative régionale présidée par le directeur régional du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Donc, OK, là, on présente un plan. Donc là, ça peut être fait justement à la conférence administrative régionale. Mais ça, c'est quoi au juste? Ça, c'est des antennes régionales des ministères et organismes du gouvernement. La discussion du plan quinquennal représente une occasion pour favoriser une meilleure compréhension de la contribution de l'économie sociale au développement du milieu. Donc, entretenir des liens avec tous les ministères qui pourraient supporter l'ensemble des projets de tous les secteurs où sont des entreprises d'économie sociale. Puis c'est quoi l'avantage de cette démarche? Cette meilleure compréhension est importante parce que ils vont voir l'intérêt d'apporter un soutien financier au développement d'entreprises. Ça se formalise dans une entente spécifique qui est une sorte de contrat entre des partenaires qui mettent chacun l'épaule à la roue. Mm-hmm. L'entente spécifique dans la région de la capitale nationale en matière d'économie sociale a été signée en 2010. Alors, merci Nicole pour ces premières informations. Alors, c'est déjà le moment de notre dernière pause musicale. Restez bien avec nous. On continue après, toujours en compagnie de Nicole Moreau. Soit toujours des comptes, encore l'argent. ça monte et ça monte. Pour toi c'est la fin du monde. Faut que l'argent, l'argent fait le bonheur. Mais quand tu en auras plus, t'auras manqué l'autobus. C'est comme tout est gugus, t'auras perdu tout ton temps. Pour l'argent qui fait du bonheur. Alors, vous êtes toujours au Grain de Sable sur CKRL jusqu'à 18h30, suivi de 100% Dynamite avec Jean-Baptiste Duvigneau et Gulvendi. Alors, on est toujours en compagnie de Nicole Moreau, avec qui on discutait économie sociale. Alors, Nicole, on vous étiez en train de nous parler des CAR, conférences administratives régionales. Donc, ça fait partie de l'économie sociale. Donc, quelles sont... Je vous interromps, ça fait pas partie de l'économie sociale, mais le plan auquel participe le pôle d'économie sociale... Oui. Pour la CRE, au sein de la CRE, dans notre région, est présenté à la conférence administrative régionale et ça permet au secteur d'activité dans lequel il y a des entreprises de faire valoir leurs besoins auprès de l'ensemble des ministères et organismes gouvernementaux de la région. Donc, de commencer, si vous voulez, les étapes de sensibilisation. Le lobbying un peu, là, si on veut. On commence à faire promouvoir le projet au sein de ces instances. Là. Oui, mm-hmm. La pertinence est bien fondée de soutenir certains projets des collectivités. Mm-hmm. Alors, merci bien. Puis, donc, c'est quoi les priorités en matière d'économie sociale? Ben, j'ai rencontré Nathalie Gagnon, la professionnelle chargée du dossier de l'économie sociale à la CRE pour en savoir davantage pour la région de la capitale. Vous allez nous mettre au fait. Exactement. Elle précise que les priorités sont les suivantes. Tenir une campagne d'information et de sensibilisation sur l'économie sociale et les entreprises qui peuvent y être associées. Cette campagne devrait commencer en mai. OK, en mai, là, de prochainement. Là. Oui. En même temps que les élections. Ouais, ben peut-être que ça va commencer après le 2 mai. répertorier les entreprises d'économie sociale pour être en mesure d'avoir un vrai portrait complet de l'activité de celle-ci sur le territoire. C'est une condition essentielle pour favoriser efficacement le développement de l'économie sociale, quelles que soient leurs activités. Puis, commencer à assurer de la formation de certains groupes de travailleurs des entreprises d'économie sociale. Alors, ils ont décidé de commencer par les rôles et responsabilités des gestionnaires et la planification stratégique. Si je comprends bien, même s'il y a entente spécifique, les entreprises d'économie sociale reçoivent également un soutien financier pour les aider à démarrer. Oui, une entreprise est une entreprise. Alors, ils ont droit à tous les programmes. Donc, la même chose qu'une entreprise plus privée. Exactement. Les entrepreneurs de l'économie sociale peuvent aller voir un centre local de développement mm-hmm. et bénéficier des prêts, comme n'importe quelle autre entreprise. Et les entreprises d'économie sociale, alors si on se rappelle, ils œuvrent dans toutes sortes de secteurs, donc ils ont comme un soutien qui peut venir d'un peu partout. On parle d'entreprises d'aide domestique, de centres de la petite enfance, puis ils rendent accessibles des produits particuliers à des groupes spécifiques de la population. Par exemple? Des magasins ou friperies qui offrent des produits usagés, par exemple, à des prix sensiblement plus bas. Mais c'est un peu cet exemple-là. Que... Oui. Donc, les friperies donc peuvent bénéficier un peu de l'économie sociale, là, si on veut. C'est des entreprises d'économie... Toutes les friperies, mm-hmm. mais il y a des friperies dans un réseau d'entreprises d'économie sociale. Puis, c'est ça, comme vous disiez qu'il y avait plusieurs questions qui peuvent se poser sur ce type d'entreprise. Pas seulement les friperies, mais l'ensemble des entreprises mm-hmm. d'économie sociale. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Des questions comme celle de la convergence des intérêts des entreprises d'économie sociale qui représentent des acteurs importants dans la lutte à la pauvreté, l'exclusion et ceux du gouvernement. Mm-hmm. Des questions sur l'utilité sociale de l'économie sociale du point de vue de l'équité entre les groupes de la population qui inspire des politiques de justice sociale du point de vue de l'égalisation des chances et qui peut inspirer des politiques de formation en faveur de publics défavorisés. des questions aussi sur les politiques publiques et leur élaboration. Et c'est vraiment ça qui est le plus problématique. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Effectivement, je pense que ça saute pas aux yeux. Comme les ressources sont toujours limitées, tous les gouvernements doivent faire des choix. Ouais, c'est sûr. Après, effectivement. En principe, ces choix sont faits en fonction de l'intérêt général. En principe? C'est ce qu'on nous dit. Cependant, ces choix faits dans une optique macroscopique ne correspondent pas nécessairement tout à fait à ceux des groupes particuliers, de régions, de types d'entreprises, etc. Les normes de réciprocité, les réseaux... Qu'est-ce que vous voulez dire par normes de réciprocité? Rapidement, peut-être brièvement, là, pour... Ben, je veux dire que effectivement, quand on pense à ce que le gouvernement peut demander aux entreprises d'économie sociale comme reddition de comptes pour les soutenir financièrement, c'est pas nécessairement toujours évident. Ouais. Ça peut entraver leur action et modifier leur mission à terme. Ah, oui, oui, oui. Si les gens ne font pas attention. Parfait, merci pour les explications. OK. J'ai parlé des réseaux aussi, je pense qu'ils sont développés. Oui. J'avoue que j'ai fait un court-circuit, là, et je suis un peu perdue dans mon raisonnement. Ça peut arriver. Donc, on parlait des normes de réciprocité, donc, qu'il y avait... ça pouvait quand même influencer aussi. OK, puis les réseaux développés par les activités associatives des entreprises d'économie sociale contribuent à l'enrichissement du capital social d'un territoire et le développement de liens d'acquaintance, de liens de contact qu'elles génèrent. Alors, c'est des choses dans lesquelles un gouvernement qui est situé, mettons, au niveau du gouvernement québécois, peut pas avoir de contact ou de contrôle et donc est-ce qu'on peut présumer que la différence vient du fait qu'il est difficile pour un gouvernement de sortir du mur à mur alors que les entreprises d'économie sociale vivent dans le spécifique, le particulier, puis prennent en considération le local, les besoins des communautés? Tout à fait. Ça veut dire également que les entreprises d'économie sociale, qui à l'instar d'un très grand nombre d'entreprises attendent du soutien, doivent faire face à un dilemme, celui de continuer à fonctionner dans un cadre général s'appliquant à toutes les entreprises, tout en n'oubliant pas, au nom de la compétitivité et de la performance, leur mission propre, apporter une réponse à des besoins collectifs. Puis les entreprises d'économie sociale, que ce soit par secteur d'activité ou par territoire, peuvent donc être appelées à participer à l'élaboration des politiques publiques? Exactement. Est-ce que vous avez des exemples? Ben, des politiques gouvernementales favorisant le maintien à domicile des personnes âgées, par exemple. Les entreprises d'économie sociale en aide domestique fournissent des services importants à cette fin. C'est grandement en raison de leur action qu'un grand nombre de personnes âgées ont pu rester chez elles à leur domicile. Coupé. Non, oui. Alors, pour conclure, vous diriez quoi? Je dirais que quand les entreprises d'économie sociale participent à l'élaboration de politiques publiques, elles sont porteuses d'un projet politique particulier en phase avec les attentes qu'elles suscitent dans les communautés où elles s'insèrent. Leur défi, c'est de ne pas l'oublier. Alors, peut-être que si vous souhaitiez m'écrire à mon adresse courriel, j'apprécierais connaître votre réaction. Mais parfait. Alors, on invite les auditeurs à vous écrire. nicole.moreau@gmail.com. Alors, bien merci, Nicole, beaucoup pour toutes ces informations sur l'économie sociale. En tout cas, c'était tout un portrait complet que vous nous avez fait aujourd'hui. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, un grand merci à Cédric Leterme, qui était à la mise en onde ce soir. Également à Robert Jasmin et ainsi qu'à Nicole Moreau pour vos chroniques et interventions. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être là. On vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL et également sur celui d'Attaque Québec. Alors, en plus de toutes les informations sur notre organisme, vous trouverez aussi la façon d'y devenir membre. Vous pouvez également nous écrire à l'émission legraindesable@hotmail.com. Alors, quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, 17h30, pour une nouvelle édition du Grain de Sable. Alors, d'ici là, restez bien branchés sur ce qui se vit ici et à travers le monde. Et donc, mon nom est Valérie Blouin. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et semaine. Et je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneau et Gulvendi avec 100% Dynamite. Alors, tout de suite, après ces quelques publicités, alors restez bien branchés sur CKRL.